Yeah, man, you know who it is. Your boy DJ Rebo, aka Wookamree. Standing ovation, négro, dip, c'est ma voix, oui, tu connais déjà. Standing ovation, négro, fuck, c'est mal, train, oui, c'est nous les méchants. Standing ovation, ces négros sont fâchés, oui, c'est nous les méchants. Standing ovation, on laisse parler les douilles, quand on s'entend plus, ça fait bye bye bye. Négro, dip, c'est ma voix, oui, tu connais déjà. Négro, net, avant rap, car on connaît des gens. Cagoulé devant toi, allez, bats-moi la jambe. Deux coups de couteau dans l'homoplate. Juste après ça j'allume un terre. Élément perturbateur. Depuis l'école élémentaire, le Congo a 6 millions de morts. Le chef de l'ONU boit son café. Le fils du maire est déjà riche. Bah le mien devra aller taffer. Je me déplace que pour l'oseille. Sinon je bouge pas, hors de question. Je ne peux pas être locataire. Sinon j'échoue, ré la mission. Y'a que quand je paye l'addition qu'on me fait des bénédictions. Jamais je donnerai de nom. Je ne trompe pas mes traditions. Standing ovation. Négro dip, c'est ma voix. Oui, tu connais déjà. Standing ovation. Négro fuck, c'est mal train. Oui, c'est nous les méchants. Standing ovation. Ces négros sont fâchés. Oui, c'est nous dans la chaîne. Standing ovation. On laisse parler les douilles. Quand on s'entend plus, ça fait bye. Y'a des TC dans tout Paris. Je fais du ski, j'suis à Bastille. Toi devant elle, tu fais chérie. Mets-moi demain, je l'ai en casting. Je ne fais plus d'accélération. Courant, tu vas plus, tu te poses, mais comme un mauvais garçon. Qui, comme à l'époque, quand t'avais grave du chef dans le garçon, t'es le meilleur ta génération, sonne la fin de la récréation. Ah, attention, garçon, l'équipe est barbare de mauvaises intentions. 400 ans d'esclavage, sans demi-pension, c'est le tac, nous descendions. Garçon, ah, qui cherche des balabours à des balafres. Garçon, un flingue sur moi quand je me balade. Normal. Bah oui, c'est évident. Qui cherche des balabours à des balafres. Ah, je défonce. Sans état. Négro dip, c'est ma voix. Oui, tu connais déjà. Négro fuck, c'est mal train. Oui, c'est nous les méchants. Ces négros sont fâchés. Oui, c'est nous dans la chaîne. On laisse parler les douilles. Quand on s'entend plus, ça fait bye bye bye. Négro dip, c'est ma voix. Oui, tu connais déjà. Négro fuck, c'est mal train. Oui, c'est nous les méchants. Ces négros sont fâchés. Oui, c'est nous dans la chaîne. On laisse parler les douilles. Quand on s'entend plus, ça fait bye bye bye.